conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, y a-t-il une lutte des âges ? En 1840, Tocqueville écrivait ceci. À mesure que les conditions s'égalisent, il se rencontre un plus grand nombre d'individus qui, n'étant plus assez riches ni assez puissants pour exercer une grande influence sur le sort de leurs semblables, ont acquis cependant ou ont conservé assez de lumière et de bien pour pouvoir se suffire à eux-mêmes. Ceux-là ne doivent rien à personne, ils n'attendent pour ainsi dire rien de quiconque, ils s'habituent à se considérer toujours isolément et ils se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains. Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains. Elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Fin de citation. Autrement dit, avec l'esprit des temps démocratiques, le lien entre générations et le lien social tout entier serait voué à se distendre. La démocratie engendrerait comme un rétrécissement, voire une disparition irrémédiable du collectif ou du vivre ensemble, pour reprendre une expression que Tocqueville ne pratiquait guère. Ce pronostic formulé il y a plus d'un siècle et demi était-il juste ? S'est-il confirmé dans les faits ? Observons-nous une lutte des classes ou une lutte des places entre les générations ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité deux personnes. Serge Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des enjeux du vieillissement et de la solidarité. Et j'ai également invité un philosophe, Pierre-Henri Tavoyot, déjà venu à cette émission, qui est spécialiste des âges de la vie, de l'autorité et de l'art politique, qui préside également le Collège de philosophie. Bonjour. Bonjour. Et si je vous ai invité tous les deux, c'est parce que vous avez co-signé un ouvrage qui vient de paraître, qui s'intitule « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» Comment est-ce qu'un philosophe et un sociologue collaborent-ils ? Est-ce que c'est le sociologue qui fait les enquêtes et le philosophe qui fait les analyses, ou bien est-ce que tout se fait ensemble ? Je pense que d'abord, Serge est un sociologue assez porté sur la philosophie, et que moi, je suis un philosophe par ailleurs qui est assez porté sur la sociologie. Donc, l'objectif, c'est quand même de comprendre le réel. Donc après, tous les moyens sont bons. Et effectivement, et les auteurs classiques et des enquêtes de terrain, comme on a conduite ensemble, eh bien sont nécessaires. Parce que là, il faut, sur ce sujet qui est en plus extrêmement vaste, protéiforme, toutes les disciplines sont bienvenues pour essayer de le comprendre. Alors, imaginons que ce qu'on entend dire un peu partout soit vrai, à savoir qu'il va y avoir ou qu'il y a peut-être déjà une guerre des générations. Que se passerait-il alors dans 10 ans ? Vous consacrez d'ailleurs l'entame de votre livre à cette question. Comment est-ce que cette guerre se montrerait à nous dans notre société, si elle avait vraiment lieu ? Alors, ce qui est intéressant de cette guerre, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a un nombre de fronts qui sont absolument innombrables. Il y a, classique, la guerre des générations au sein de la famille, c'est-à-dire les enfants contre les parents. Mais il y a aussi, donc on peut imaginer que ce conflit grossisse. Il y a aussi les jeunes contre les vieux. À la fois les vieux qui reprochent aux jeunes de ne pas s'occuper d'eux, et les jeunes qui reprochent aux vieux de leur mettre des bâtons dans les roues pour rentrer dans la vie. Il y a le conflit entre les actifs et les inactifs. Alors cette fois-ci, c'est la tranche d'âge du milieu, et puis les jeunes qui ont du mal à rentrer dans la vie active, et les vieux qui sont hors vie active. Et donc, réputés entre guillemets vie active. Et donc, en fait, on a une masse de fronts et de conflits qui ferait que cette guerre des générations serait une guerre totale. Ou une guérilla. Guérilla totale, mais le scénario verrait progressivement l'explosion absolument de tous les liens, aussi bien au sein de l'entreprise, au sein de la cité, ou au sein de la famille, ou au sein des amis d'ailleurs, qui relient les individus entre eux. Donc ce serait une guerre totale, comme l'humanité n'en a jamais connue jusqu'à présent. Mais excusez le truisme, mais jeune, c'est pas un état définitif. Les jeunes deviennent vieux. Les jeunes deviennent vieux. Et donc, il faut prévenir certains hommes politiques là-dessus d'ailleurs. C'est-à-dire ? Ben, je sais pas, il y a des gens qui ont fait un peu leur campagne, leur positionnement sur le fait qu'ils seraient plus jeunes que d'autres et donc porteurs d'une modernité différente parce que simplement plus jeunes. Il faut peut-être leur rappeler que l'âge peut venir aussi. Ça va pas durer, oui. La nouvelle de Dinad Buzati que vous citez dans votre ouvrage qui s'intitule « Les chasseurs de vieux ». qui illustre un peu cette idée que... Voilà, c'est l'histoire du... C'est l'époque fantasmée par Nino Buzzati, mais qui est une époque en fait très réelle, caricature de notre temps présent, où il y a des chasseurs de vieux, c'est-à-dire, à cette époque, l'âge est un crime, et donc il y a des bandes de jeunes qui se mettent à chasser les vieux la nuit. Et puis, un jour, le chef de cette bande, qui est un palmarès et un tableau de chasse extraordinaire, s'aperçoit, pour le dire rapidement, qu'il est lui-même devenu vieux, et que... De chasseur, il devient chassé. Voilà l'histoire. Ce qui prouve effectivement que ce scénario de la guerre des générations peut avoir une force ponctuelle pour expliquer tel ou tel phénomène dans un domaine extrêmement étroit, mais qu'il ne fonctionne pas comme schéma d'explication globale de la société. C'est ça qu'on voulait montrer. Il y a des éléments qui témoignent du fait qu'effectivement, il y a des conflits de générations qui existent, mais à aucun moment on ne peut en déduire qu'il y a une guerre généralisé des âges. Et si on reste là-dessus juste un quart de seconde, il y a des chasseurs de vieux aujourd'hui en France. Ça s'appelle, dans les entreprises par exemple, vous avez des gens dont le métier est de repérer les plus âgés pour les évincer. Mais ça, c'est pas très dur de les repérer. Oui, mais voilà, n'empêche que ce soit un métier. Ben oui, ça s'appelle des DRH parfois. Et certains, je me souviens d'un qui m'a dit, j'ai commencé par beaucoup en mettre dehors, puis un jour c'est moi qu'on l'a mis dehors. Parce que j'avais atteint aussi la limite d'âge. Donc ce genre de choses peut arrive dans la vraie vie. Est-ce que vous avez été surpris l'un et l'autre par les résultats de votre enquête? Ou est-ce que vous l'avez menée, cette enquête, pour conforter ce que vous saviez déjà? Évidemment, c'est toujours très difficile à dire ça, mais on a été surpris d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que on s'est rencontré, je crois d'ailleurs sur un plateau de télévision avec Serge, justement sur cette question que le schéma qu'on ne cessait d'utiliser de la guerre des générations à tous les niveaux nous paraissait peu plausible, peu réaliste. Et toute l'enquête qu'on a menée, c'était pour justement montrer, et ça c'était en son sens une enquête de confirmation, que dans les secteurs de la société, la guerre des générations n'existait pas. Simplement, on a été surpris d'un certain nombre de choses, notamment le fait que les gens ont une attitude relativement pessimiste à l'égard de ce schéma. Quand on leur dit, est-ce que la situation des générations aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Les gens sont inquiets. Ils sont inquiets. Alors, on peut interpréter cette inquiétude comme le fait que c'est en train de partir en vrille, ou au contraire, et c'était plutôt cette analyse qu'on avait, de dire que les gens sont extrêmement attentifs à ça. Ils considèrent que c'est très très important. Et donc, du coup, ils sont prêts à bouger. Deuxième surprise, effectivement, l'activisme et l'enthousiasme sur tout ce qui relève des relations intergénérationnelles étaient considérables. Les gens sont extrêmement actifs, les associations sont innovantes à un point inimaginable, c'était le but de ce Tour de France de l'intergénérationnel. Et troisième surprise, on veut de l'intergénérationnel dans une relation de réciprocité. Ça, c'est un thème cher à Serge, de réciprocité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une génération qui aide et une génération qui est aidée. On veut du gagnant-gagnant. Voilà, on veut ce flux. Et quand on ne parlera jamais d'intergénérationnel s'il y a uniquement des gagnants des aidants et des aidés, d'une certaine manière. Voilà, c'est les trois éléments de surprise. Alors, les enquêtes que vous avez menées sont des enquêtes de terrain, des sondages, des... En fait, il y a les deux. C'est vrai qu'on a regardé, parce qu'il y a quand même une palanquée de sondages, généralement autour de qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, comment va le pays, ainsi de suite. Et tous les sondages sont très, très négatifs. Et quand on regardait, par exemple, il y avait un sondage qui montrait, c'est quoi les gros problèmes? Alors, il y avait les riches, les pauvres, et ainsi de suite. Et puis, la question était posée, et les générations. Et c'était là où c'était le plus bas. Le problème des générations, c'est 6%. 6% des gens disaient, il y a un problème entre les générations. Alors qu'il y a un problème culturel, alors qu'il y a un problème avec l'immigration, alors qu'il y a un problème avec la pauvreté, c'était 40, 50, 60, 70%. Donc, toutes les études montraient qu'en fin de compte, l'élément qui paraissait le moins conflictuel, le moins problématique, c'était la question des générations. Donc ça, c'est... Alors, c'est pas un sondage. C'est 5, 10, 15, 20, 25. On en a pris quelques-uns. On en a même fait un avec Via Voice. Donc, voilà, on avait un certain... Ça veut pas dire que cette guerre a lieu. Ça veut dire qu'on a peur qu'elle ait lieu. Ou c'est-à-dire que les gens... Oui, alors, les gens sont souvent dans l'idée de « avant, c'était mieux ». Donc, par exemple, avant, la relation entre les générations était mieux. Mais tout avant était mieux. Aujourd'hui, quelle que soit l'étude, les gens vous diront « avant, c'était mieux ». Donc, si on enlève ce biais-là, on s'aperçoit que sur cette question-là, globalement, les gens disent « ben non, ça fonctionne quand même encore pas mal ». Et puis ensuite, on est allé confirmer cet élément-là avec ce Tour de France en allant dans ce qu'on a appelé les lieux du lien, c'est-à-dire des endroits où ça se passe. Comment ça se passe? Je fais l'activité physique avec des gens, jeunes gens d'ailleurs au départ, qui ont créé une association qui s'appelle Ciel Bleu. C'était des gens qui étaient partis dans l'idée d'être prof de gym en collège ou en lycée, puis en fin de compte, ils sont allés vers les maisons de retraite, vers les centres pour handicapés, en disant, mais là aussi, on pourrait peut-être faire de l'activité physique. Et puis, bah, ça s'est développé. Aujourd'hui, il y a plus de 500 moniteurs comme ça autour de cela. Et c'est donc faire de l'activité physique avec des gens plus âgés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un lien, il y a du plaisir, puis il y a un lien, il y a une rencontre entre différentes générations. On est allé à Bordeaux autour de la question de l'université tout âge. Des gens qui, à 60 ans, ont une passion, ont un goût et vont apprendre avec d'autres qui peuvent être parfois beaucoup plus jeunes. D'aller comme ça dans plein d'endroits en montrant que finalement, on parlait au tout début autour du chocolat de la question du plaisir. On s'aperçoit qu'autour de l'intergénération, il y a une question de solidarité qui est très forte. J'ai besoin parfois de l'autre, mais il y a aussi tout simplement une notion de plaisir. J'ai besoin du plaisir de l'autre. Je crois que c'était Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Là, on voit bien que l'enfer c'est quand il n'y a pas les autres. Et que le bonheur conflictuel, qui peut être difficile avec des rivages et tout ça, le bonheur c'est quand je peux échanger au moment où je le décide. Ça veut pas dire que je suis tout le temps avec les autres et tout le temps avec des gens de différentes générations, mais le bonheur c'est quand il y a un certain nombre de passerelles qui me permettent d'aller vers les autres et de construire un projet ensemble. Mais la vieillesse, ça commence à quel âge? Alors pour les Français c'est très clair, on a un sondage là-dessus, plusieurs d'ailleurs, c'est 75 ans,4. Voilà. Mais c'est un seuil. Mais attention, immédiatement après, les Français disent « mais c'est pas une question d'âge ». Donc c'est ça qui est intéressant. C'est est-ce que justement l'âge auquel on est censé devenir vieux est décalé par l'augmentation de l'espérance de vie? Ben oui, par nature je dirais. Dans la perception qu'on en a. Alors ça commence parce que la perception, on reste encore très très marqué, on a des marqueurs. Par exemple, pour la sécurité sociale, on est une personne âgée le jour de ses 60 ans. C'est comme ça. Vous pouvez continuer de travailler, mais vous êtes une personne âgée au titre de la sécurité sociale. Les aides ne seront pas les mêmes, et ainsi de suite. On a un retraité qui va être un autre élément de dire ce sont des gens âgés. Quelqu'un qui est dans le monde sportif, par exemple, vous êtes un senior dès 18 ans jusqu'à à peu près 39 ans. Et après, patatras. Après, vétéran. Vétéran. Mais là, vous avez vétéran 1, vétéran 2, vétéran 3, vétéran 4. Hein, donc, puis, vieille pointe. Et après, vieille pointe. pour l'athlétisme. Exact. Vous voyez, donc progressivement, on avance comme ça. Pour les médias, pendant très longtemps, on a parlé de la ménagère de moins de 50 ans. Je ne sais pas ce qui se passait pour la ménagère de 50 ans un jour. Est-ce qu'elle se nourrissait encore? Est-ce qu'elle peut vivre encore? Il y a toujours des interrogations comme ça. Donc, on a des normes comme ça très fortes. Et en même temps, en effet, comme on vit plus longtemps, la logique, d'une certaine manière, ce serait « je suis vieux quand il me reste plus que tant d'années à vivre ». Comme il me reste plus d'années à vivre, à quel moment je suis vieux? L'espérance de vie, au moment où on a institué la retraite, c'était 67 ans, en moyenne. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est plus de 82 ans. Vous voyez, donc du coup, je rajeunis d'une certaine manière. Et quand vous regardez dans la ville, quand vous regardez sur des photos, vous avez du mal parfois. Vous prenez en tout bien tout honneur une sortie des écoles, le monsieur qui vient chercher... son fils, là, c'est le père, c'est le grand-père, vous savez plus trop. Parfois, d'ailleurs, c'est les deux, parce qu'il vient chercher son fils et son petit-fils, parce qu'il a refait sa vie, ainsi de suite. Vous voyez, donc, tout a bougé, mais le regard de la société a plus de mal à s'adapter. En fait, c'est le nœud du problème, c'est-à-dire que quand on regarde les générations, on voit qu'effectivement, chaque âge et les seuils des âges se sont brouillés. C'est ça le point. Et c'est là où il y a une petite vis de raisonnement, c'est-à-dire que de ce brouillage des âges, on en déduit qu'il y a une guerre des âges. Les choses deviennent plus confuses et on, immédiatement, face à cette confusion et cette complexité, il faut le reconnaître, on est tenté de faire appel au scénario le plus simple, plus explicatif. On remet de la simplicité, guerre, les méchants, les gentils, voilà. Et ça, on trouve ça dans beaucoup d'aspects de notre société. On est dans une société très complexe, dans une situation internationale très complexe, et on fait appel à des scénarios explicatifs primaires, le complot, la guerre. Et ce qu'on essaie de montrer dans ce livre, c'est que justement, c'est en fait plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce brouillage des âges ne signifie pas une guerre généralisée des âges, c'est en effet plus complexe. Mais est-ce que mettre en avant cette guerre, c'est pas une façon de se rassurer en ne parlant pas des vraies guerres? C'est une façon de se rassurer, effectivement, parce qu'on a au moins une clé de compréhension du monde. Et on se dit, voilà, et puis il y a encore une fois des méchants et des gentils. Donc ça permet, disons, de survivre sur le plan du sens dans un monde complexe. Mais en même temps... je pense que cette guerre, alors c'est là où notre discours n'est pas inverse. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien et que voilà, l'intergénérationnel aujourd'hui c'est formidable. Non, il y a des soucis. D'ailleurs, ce qui a aussi été un acquis de l'enquête, c'est qu'on nous a confronté des expériences intergénérationnelles qui ne marchaient pas. Voilà, ça ne marche pas. Alors voyez, par exemple, deux exemples, vous mettez une maison de retraite et une école maternelle, donc tout le monde dit c'est formidable, c'est l'intergénérationnel, et puis vous faites partager les repas. Catastrophe. Catastrophe, c'est pas le même rythme, faire partager. Autre idée, vous faites une maison de retraite, une école primaire, et vous dites, ah ben on va organiser des sorties culturelles, on va aller au Louvre. catastrophe. C'est un bordel innommable. Enfin, c'est un truc qui donc ne marche pas. Donc, c'est pas la juxtaposition qui fait. C'est pas la juxtaposition qui fait l'intergénérationnel. C'est au contraire, effectivement, ça suppose être pensé. Et c'est ça la difficulté de notre société contemporaine, c'est que avant l'intergénérationnel était imposé, il s'imposait dans des sociétés de solidarité, comme disait Durkheim, mécanique. Voilà, ça imposait à nous, on allait voir la grande tante qui sentait mauvais à Noël et on était obligé, voilà, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, ça repose sur des affinités électives et ça repose sur un projet. Et ce projet, il faut le conduire, il faut l'étayer. Et c'est ça qui rend les choses plus difficiles, mais aussi beaucoup plus passionnantes. C'est pour ça que les gens s'enthousiasment. Mais le fait qu'il n'y ait pas de guerre est peut-être lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Les jeunes deviennent vieux, donc ils sont normalement unis par une condition humaine commune. Et puis aussi le sentiment qu'il y a une filiation qui est irrévocable. Et bah, vous citez une très belle formule de Marcel Pagnol, qui a inauguré à Marseille, je ne sais pas quand, un établissement scolaire qui portait son nom. Et il a dit « Je suis infiniment honoré d'inaugurer une école qui porte mon prénom et le nom de mon père. » Oui, c'est magnifique. C'est-à-dire que ça dit bien l'élément premier. Vous savez, on parle du vivre ensemble, on parle de la mixité sociale, de la mixité culturelle. Les gens qui sont pour la mixité sociale ou la mixité culturelle étant généralement des gens qui ne la vivent pas. Et c'est quelque chose qui est un voulu, un construit. La mixité intergénérationnelle, elle n'est pas construite, elle existe, elle est mécanique justement pour le coup. C'est-à-dire que généralement, les parents sont plus âgés que les enfants. Ça a fait ses preuves depuis un bon petit moment. Et du coup, on sait quand même, généralement, que si on a un enfant, c'est parce qu'on a eu des parents. Et donc, il y a eu des gens plus vieux que nous qui ont fait, qui nous ont permis d'être là. Donc, du coup, cette conscience, mais au sein de nous, quoi, qui fait notre histoire première, fait que la notion de transmission, d'intergénération, elle est évidente. Parce que s'il n'y a pas d'intergénération, il n'y a tout simplement pas de monde. Je ne peux pas être là s'il n'y a pas eu d'intergénération. Donc, cet élément-là, il est quand même, il est primitif, je dirais. Il est absolument fort. Et puis, si je conteste toujours les plus âgés, d'une certaine manière, je me conteste un peu moi, puisque je peux prendre conscience, mais je ne le sais pas toujours. Parce que parfois, je vais nier le fait que je vais vieillir, par exemple. Je vais nier le fait que les gens qui disent, vous savez, on a ça d'ailleurs chez des politiques, à partir de tel âge, faudrait plus être candidat. Puis quand le jour arrive, ces gens-là continuent d'être candidats. Parce que quand on le dit, on pense qu'on n'aura jamais cet âge-là, ou on ne veut pas le savoir. Il y a une sorte de déni. Mais les gens qui sont un peu lucides savent qu'ils ont des chances, dans 20 ans, d'avoir 20 ans de plus. Il y a aussi des effets de culture. Par exemple, en France, on se demande si on devrait laisser les gens conduire jusqu'à n'importe quel âge. Alors qu'au Japon, on dit aux constructeurs automobiles, débrouillez-vous, mais faites en sorte que les voitures puissent être conduites par n'importe qui à n'importe quel âge. Oui, mais c'est quelque chose de très important, ça, parce que, par exemple, on revient là-dessus. Et vous remarquerez, s'il y a un accident où il y a une personne âgée qui a renversé quelqu'un, vous aurez tout de suite l'âge de la personne. Le gros des accidents où il y a une personne âgée dans le coup, c'est une personne âgée qui est renversée par quelqu'un de bien plus jeune. Mais à chaque fois, on va mettre en avant la personne âgée qui aurait renversé. Comme si le gros des accidents n'était pas lié à des gens qui conduisent trop vite, qui conduisent en état d'alcoolémie, ainsi de suite. Et c'est pas lié à l'âge. Après qu'à un moment ou un autre, on essaie de voir si la personne peut continuer à conduire, mais attention, à quel moment on va le faire, comment on va le faire, ainsi de suite. Et on voit bien qu'on stigmatise. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que cette guerre des générations, cette guerre des âges, est-ce qu'elle cache pas autre chose? Elle cache tout simplement le fait qu'on veuille pas poser la question sociale. En fait, on voudrait remplacer la lutte des classes par la lutte des âges, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on voudrait faire que tous les vieux, par exemple, seraient riches. Et donc, voilà, c'est parce qu'ils sont vieux qu'ils sont riches. Mais non, il y a des gens âgés qui sont riches. La notion de richesse étant d'ailleurs aujourd'hui assez discutable, parce que, par exemple, on va augmenter la CSG pour les retraités. Et j'entends pour les retraités riches. Les retraités riches, c'est des gens qui ont des retraites annuelles un peu au-delà de 14 000 euros par an. C'est-à-dire à peu près 1 250 euros par mois. François Hollande, je crois que les personnes riches, d'ailleurs, il les aimait pas. Je crois que c'était 4 000 euros. Là, vous voyez, on descend encore. Voilà. Mais donc, un vieux riche, c'est un vieux qui gagnerait plus de 1 250 euros par mois. Et un salarié pauvre, c'est quelqu'un qui gagne autour du SMIC, par exemple, qui est bien au-delà, et heureusement, de ces 1250. Vous voyez, donc, selon l'âge, même mes revenus n'ont pas la même valeur, d'une certaine manière. Donc on voit bien qu'il y a une contestation derrière, qui est de ne pas vouloir discuter de la question sociale. On va juste se centrer sur il est vieux, il est âgé, donc il est riche, sans du tout savoir quelle est sa vie, quels sont ses revenus, ainsi de suite. Et en oubliant d'ailleurs que pour faire un vieux riche, il a fallu généralement un jeune riche, qui a pu accumuler du patrimoine, et ainsi de suite. Et donc, on va oublier donc la question sociale pour juste se focaliser sur la question des âges, qui évite, en fin de compte, de se poser plein d'autres questions. C'est un peu comme les gens qui veulent lutter contre le racisme en interdisant aux Blancs de venir discuter. On est un peu dans la même chose. On vous essentialise. On regarde juste votre couleur de peau sans se demander mais qui vous êtes derrière cette couleur de peau. Il y a des gens qui, blancs, étaient antiracistes, comme il y a des gens noirs qui sont profondément racistes. Bah, sur les gens âgés, c'est exactement pareil. C'est juste parce qu'ils sont âgés qu'ils vont penser comme ça. Mais non, c'est parce qu'ils pensent comme ça point, parce qu'ils ont été construits comme ça, ainsi de suite. L'âge étant une variable supplémentaire, un élément de l'identité. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est que l'identité, elle n'est pas unique, elle est multiple, et l'âge ne suffit pas à nous définir, même si ça apporte des caractéristiques. Alors, on va revenir là-dessus, mais avant, vous connaissez la règle de l'émission, on va passer un morceau de musique que vous avez choisi, et puis ensuite, on discutera. Partir, je sens bien que ça va faire mal. Ma mère aime pas mon blouson et les franges de mon futal. Le long des autoroutes, il y a de beaux paysages. J'ai ma guitare sur le dos et pas bon pour le voyage. Et les rêveurs rêvent. Et les rêveurs chantent. Et les rêveurs chantent. Un truc qui colle encore au cœur et au corps. To everything. Alors pour ça, on comprend pourquoi vous avez choisi cette chanson, Pierre-Henri Tabouillot. Oui, parce que la musique est un marqueur générationnel. Ça dit beaucoup sur les générations. On peut définir les générations en plusieurs termes. La génération, c'est la place qu'on occupe, elle est relative dans une famille. Et ça, c'est relatif parce qu'on est tous parents et enfants. Enfin, tous. On est presque tous parents et enfants. Mais après, il y a génération au sens de cohorte, c'est-à-dire que des gens qui sont nés au même moment et qui ont un parcours commun. Mais ça suffit pas. La génération sociologique, c'est des gens qui sont nés au même moment, qui ont un parcours commun et un imaginaire commun. Et là, la musique est très importante. C'est la musique de notre enfance. Et là, le rock, c'est un marqueur générationnel, mais pour une génération. Une génération qui est la génération des années 60, 70, 80, où le phénomène musical était vraiment marquant. Moi, je me souviens, mon fils, un jour, vient vers moi et il me dit « Papa, est-ce que tu connais Michael Jackson ?» C'est pas ta génération, mon petit, c'est la mienne, c'est pas la tienne. Voilà. Et là, on assiste au fait que les marqueurs générationnels musicaux sont en train de devenir beaucoup moins, justement, marqués qu'à l'époque des années 60. Ça a cessé, il y a un éclectisme musical, même si chaque génération aura des petits, au moment des émois et des fêtes, j'ose pas dire des booms, parce que sinon je vais paraître un gars au plus haut point, mais des petits phénomènes émotionnels correspondent à certaines musiques, mais très difficile d'identifier ça aujourd'hui à une génération. Mais est-ce qu'il y a vraiment une conscience de classe d'âge? Est-ce que tous les gens qui sont dans une classe d'âge ont un imaginaire ou conscience d'appartenir à cette classe? Non, justement, c'est une invention. C'est une invention, c'est-à-dire que ce phénomène générationnel... En fait, il y a trois niveaux. Il y a le phénomène purement démographique, trajectoire, date. Le phénomène imaginaire commun, qui déjà devient un peu brouillé parce qu'en fonction des classes sociales, les imaginaires communs peuvent être variables. Et puis, il y a une troisième dimension qui constitue, à mon sens, la vraie génération. C'est la génération au sens historique. C'est-à-dire que une génération, une jeunesse, entre dans l'âge adulte au moment où il y a un événement dramatique dans l'histoire. Et ça, c'est la vraie génération, la génération des historiens. Et de ce point de vue-là, contrairement à tout ce qu'on entend, on est plutôt en train de sortir du phénomène générationnel. Il y a une hypertrophie aujourd'hui de l'utilisation du terme générationnel. Dès qu'il y a une petite innovation, c'est génération Pokémon Go, génération iPhone 5, génération Facebook. Non, ce n'est pas des phénomènes générationnels. On dit génération Internet. On dit, oui, en effet, il y a une partie de la jeunesse qui est née avec. Mais ce n'est pas ça le phénomène significatif. C'est que toutes les générations, ensemble, sont rentrées dans les nouvelles technologies. Ce n'est pas du tout un phénomène générationnel. Le vrai miracle, le vrai mystère qu'il faut expliquer, ce n'est pas que les jeunes soient devant les écrans, c'est que les personnes âgées soient sur Facebook. C'est ça la vraie énigme. C'est ça le vrai truc qu'il faudrait interroger si on était, disons, des vrais sociologues ou philosophes et non pas simplement mais oui, bien sûr, je le dis pour les autres. Et non pas simplement des marketeurs. Voilà. Vous connaissez ce texte, Pierre-Henri Tavoyot, Aphorisme sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer. Il commence en citant Voltaire qui dit « Qui n'a pas l'esprit de son âge a tout le malheur. » Ah oui, c'est-à-dire qu'on est malheureux si on est décalé par rapport à sa classe d'âge. Il y a une part de vérité dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il faut être de sa génération. Et j'allais dire, c'est la part de vérité permanente qui fait que de tout temps, il y a des petits cons et des vieux cons. Voilà, c'est un phénomène commun. On lira un texte d'Aristote, d'ailleurs, que vous, vous avez mis dans votre livre. Mais Serge Guérin, je voulais revenir sur ce que vous disiez avant qu'on passe le morceau de musique de Laurent Voulzy. Vous parliez du fait qu'on n'utilise pas les bons paramètres pour juger des situations. Et qu'on confond un peu corrélation et causalité dans ces affaires-là. Alors, un exemple qu'on peut citer, c'est que il a été démontré par un examen attentif des données que les personnes qui chaussent du 43 ont une meilleure maîtrise de la règle de 3 que celles qui chaussent du 30. Ah, c'est pour ça. Et donc les gens en déduisent que finalement l'intelligence mathématique est située dans les pieds et que plus ils sont grands et plus. Alors que là, pour le coup, c'est une affaire d'âge. Quand on chose du 43, c'est qu'on a eu le temps de suivre des études. Et... oui, ça, justement, on a grandi, on a appris, on a été instruit, et donc on sait mieux le faire. Mais je dois chausser quand même plus proche du 30 que du 43, visiblement, vu ma capacité. Mais, du point de vue de la règle de 3. Voilà, du point de vue de la règle de 3. Mais c'est vrai qu'en effet, on confond, par exemple, les gens vont dire, mais c'est incroyable, il y a plus de... les gens au-delà de 60 ans ont plus de revenus que les gens de moins de 20 ans. Ben oui, mais c'est l'inverse qui serait dramatique. Si j'ai travaillé toute ma vie, il est assez logique que je gagne un peu plus que si je n'ai pas encore travaillé. Il y a pas de voilà. Mais c'est vrai que parfois on a tendance comme ça à inverser les choses. Et c'est vrai que cette question de génération, elle a eu une force historique très forte. Quand vous aviez 20 ans en 1917, oui, il y avait un sacré fossé générationnel avec des gens qui avaient 35 ans à ce moment-là, ou avec des gens qui avaient 10 ans, parce que vous viviez. Et vous mourriez dans les tranchées. Et évidemment, c'était une expérience intraduisible. Quoi. Quand vous aviez 20 ans de 1940, si vous étiez résistant, si vous étiez juif, vous viviez autre chose. Voilà, ainsi de suite. Aujourd'hui, la dernière génération de ce point de vue-là, c'est celle qui a fait 68. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est la dernière fois aussi où des jeunes ont dit « Cours, le vieux monde est derrière toi ». Étaient contre les vieux. Les mêmes jeunes d'ailleurs qui aujourd'hui ont pris un peu d'âge. Et pensent parfois qu'ils sont encore jeunes d'ailleurs. C'est amusant aussi. Mais c'est la dernière fois où vraiment il y a une opposition de génération. Depuis, quand il y a des événements, d'ailleurs quand il y a des manifestations et autres, on a vu des gens très jeunes descendre pour le maintien des retraites, par exemple. Hein, on voit des choses comme ça. Donc c'est plus. Parce qu'ils le faisaient pour eux-mêmes ou pour les retraités? Alors, ils le faisaient parce que on a aussi inventé quelque chose de magnifique, qui est quand même un système de retraite intergénérationnel justement, qui fait que par répartition, je cotise au moment où je travaille, je cotise pour ceux qui aujourd'hui bénéficient des retraites parce qu'ils ont cotisé auparavant. Donc les retraités d'aujourd'hui sont pas des gens, sont des gens qui bénéficient d'une sorte de salaire différé en cotisant. Voilà. Donc du coup, ça crée bien une solidarité entre les générations. Encore faut-il évidemment qu'il y ait suffisamment de gens qui travaillent par rapport aux gens qui ne travaillent plus pour équilibrer les choses. D'où le besoin sans doute de rénover, de révolutionner les systèmes de retraite, mais en même temps de garder cette solidarité intergénérationnelle. En fin de compte, notre système. Notre système social, notre système culturel, il fonctionne grâce à ça. Et on dit souvent avec Pierre-Henri que finalement, si on oublie la transmission, on entre directement dans la barbarie. C'est-à-dire qu'on oublie le passé et comment on prépare un avenir sans passé. Et c'est aussi demander à des gens qui arrivent depuis plus récemment dans le pays, alors je vais avoir des accents très Alain Finkielkraut, hein, mais en disant il faut aussi faire soi là où on arrive. C'est-à-dire que j'arrive dans un pays, j'arrive dans une culture, c'est celle d'ancêtres de plein de gens, et du coup, ça devient mes ancêtres. Et c'est aussi, cette question d'intergénération, c'est ça aussi. C'est je n'arrive pas tout seul, je suis pas un être comme ça, qui arrive par le hasard, j'arrive et je suis l'enfant, le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, de tout ce qui a été fait avant moi. Et c'est parce que j'en ai conscience que je vais pouvoir aussi le transmettre à mes propres enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, Pierre-Henri Tavoyot, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a toujours eu des jeunes pour dire que les vieux étaient des vieux cons et des vieux pour dire que les jeunes étaient des jeunes cons. Je vais me permettre de citer un texte que vous mettez dans votre livre d'Aristote, c'est quand même pas n'importe qui, hein, qui dit ceci à propos des jeunes. Les jeunes sont changeants et promptement dégoûtés de tout ce qui les a passionnés. Leurs désirs sont violents, mais tombent vite. Leurs volontés sont intenses, mais sans grande force, comme la soif ou la faim chez les malades. Ils sont enclins à la colère et à l'emportement, toujours prêts à suivre leurs entraînements et incapables de dominer leur fureur. Par amour propre, ils ne supportent pas qu'on tienne peu de compte de leur personne et se fâchent quand ils croient qu'on leur fait tort. Ils ont le goût des honneurs ou plutôt de la victoire. car la jeunesse est avide de supériorité et la victoire en est une. Ils ne sont pas portés au mal, ils ont plutôt un bon naturel, n'ayant pas encore eu sous les yeux beaucoup d'exemples de perversité. Ils sont confiants, n'ayant pas encore été abusés, etc. etc. Enfin, c'est pas joyeux. c'est marrant ce texte, parce qu'on a vraiment le portrait craché de ce qu'on appelle aujourd'hui la génération Y. C'est pour ça qu'on l'a utilisé. Alors, génération Y, c'est, on peut l'utiliser dans un sens positif ou négatif. Elle existait chez les Grecs. Elle existait chez les Grecs, justement. Donc, soit on dit, voilà, aujourd'hui, la jeunesse est volatile, c'est une jeunesse zappeuse, elle ne s'engage pas dans les choses, donc elle est très déconnectée. Soit, au contraire, dans un sens positif, c'est par exemple ce que dit Jeremy Rifkin, c'est une jeunesse formidablement empathique, qui se fout de la propriété privée, qui rentre... Donc, il y a une version positive et la version négative. Mais, justement, c'est là où ce thème de la génération Y est insupportable, quand on prend un peu de recul historique, et on ne comprend pas pourquoi cette idée est fausse, continue de fonctionner, parce qu'on confond en fait un phénomène structurel avec un phénomène conjoncturel. On appelle génération Y ce qui est en fait la jeunesse, juste ça, voilà. Et on essaie de lui donner un nom un peu chic, un peu branché. C'est sans doute un usage des 68ards qui ont du mal effectivement à vivre l'âge. Alors qu'il s'agit simplement de la jeunesse. Simplement, le trait structurel qui change, c'est que cette jeunesse s'élargit. Elle est plus longue. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas du tout générationnel. C'est un phénomène qui ne cesse de s'accroître. D'ailleurs, c'est très intéressant dans l'histoire de l'humanité. Hein, si on considère qu'il y a des âges biologiques, en fait, il y en a très peu d'ailleurs. Il y en a deux. Il y a l'enfance et l'âge adulte. Il n'y a pas de jeunesse et il n'y a pas de vieillesse. Pas de vieillesse parce qu'on se fait bouffer avant. Et pas de jeunesse parce que dès qu'on peut procréer, on le fait. Et c'est la culture humaine qui invente la jeunesse et la vieillesse, et qui les protège. Et du coup, toutes les civilisations humaines connaissent ce qu'on appelle le moratoire, la jeunesse, c'est-à-dire, tu peux procréer, mais tu n'as pas le droit. Voilà. Il va falloir attendre un peu, et on profite des énergies formidables sexuelles de cette période pour les sublimer et construire des éléments culturels. Et puis, on protège la vieillesse comme étant effectivement une sorte de responsabilité sociale. Et toute la civilisation humaine, dans tous ses aspects, vient du fait qu'on a protégé et inventé presque ces deux âges de la vie. Et ce qui caractérise le monde démocratique, c'est que cette phase de la jeunesse, comme cette phase de la vieillesse, s'accroissent considérablement. On sort de l'enfance de plus en plus tôt, on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard, certains disent d'ailleurs jamais, et l'âge, le grand âge, c'est en fait pluralisé. Et donc c'est ce phénomène qu'on continue de comprendre comme étant celui de la génération Y, et de soi, on se condamne à ne pas comprendre notre société. Vous dites quelque part dans votre livre, vous donnez un chiffre qui m'a surpris, vous dites qu'aujourd'hui le travail ne représente plus que 12% du temps de vie. Oui, on vit plus longtemps. Oui. On entre sur le marché du travail plus tardivement. Oui, mais 12%. Eh oui, on finit plus tôt et on travaille 35 heures. Vous faites le calcul. Vous tenez compte du temps de travail dans la semaine. Oui. Ah, oui. Vous faites le calcul, ça représente 12% de l'existence. Simplement, le paradoxe principal, c'est que ce travail qui nous occupe moins longtemps objectivement nous prend la tête tout le temps. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est l'angoisse. Pour ceux qui en ont, il y en a trop. C'est le stress. C'est le stress. Et donc, voilà, c'est le paradoxe. Objectivement, l'agenda de vie est consacré au travail est plus faible. Subjectivement, la force du travail est infiniment plus importante au cours de l'existence. Vous donnez beaucoup de chiffres dans cet ouvrage, beaucoup de tableaux, enfin quelques tableaux, des camemberts aussi, parfois. Et on découvre qu'en 1945, enfin on apprend pour ce qui me concerne, en 1945, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, le rapport est à peine de 1,5 actif pour un retraité inactif. Ça veut dire que les temps, ils changent, comme le dirait un prix Nobel de littérature. Et est-ce que ce changement est une des causes invoquées pour expliquer cette guerre des générations à laquelle vous ne croyez pas, mais qui est souvent invoquée? Alors, il y a en effet une problématique économique, d'abord. S'il y a moins de gens pour cotiser, ça pose des problèmes pour financer la retraite. D'autant plus que, par une aberration de l'histoire ou autre, la Chambre des députés la plus jeune, avant celle que nous allons connaître, en 1981, a voté pour le passage de la retraite de 65 à 60 ans. Entre-temps, depuis, on a gagné à peu près 12 ans d'espérance de vie. Donc on continue à vivre plus longtemps, et donc on voudrait arrêter, les gens arrêtent tôt, et donc du coup restent très très longtemps à la retraite, financés par moins de personnes. Donc économiquement, c'est vrai que ça pose... c'est très très délicat. Et donc, Il faut prendre en compte aussi une situation plus favorable que celle du Japon, par exemple. Alors, c'est beaucoup plus favorable que celle du Japon. Les femmes travaillent beaucoup moins qu'en France. Oui. Nous, d'ailleurs, c'est intéressant parce que très souvent, le discours était, il y a eu pour les femmes d'abord, oui, mais enfin, si les femmes travaillent, elles enlèvent des emplois aux hommes. Et on a dit aussi, si les seniors travaillent, ça enlève des emplois aux jeunes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est les mettre dehors, ainsi de suite. Dans les deux cas, ça ne marche pas. Heureusement que les femmes travaillent, ça a au contraire augmenté la richesse globale et ça a augmenté l'emploi. De la même manière, parce que quand les gens travaillent, du coup, ils ont plus de besoins, ils ont plus de demandes. Et puis, il y a des gens qui travaillent pour eux, puisque, et pour les personnes âgées, c'est exactement pareil. Pour les seniors, c'est exactement pareil. Donc, c'est vrai qu'il faut inverser les choses. Et puis, deuxième élément, je reprends un des termes que vous avez utilisé. Vous avez parlé des actifs, puis des retraités inactifs. Le mot inactif, il est d'une violence incroyable. Parce que ces retraités inactifs, ils sont hyper actifs. Retraités aussi. Oui, ils sont retraités. Certains d'ailleurs, et de plus en plus. C'est violent, je veux dire, retraités aussi. Ah oui, le mot retraite, il est atroce. On dit souvent, en Espagne, on parle de jubilación. Et les jubilatores, ce qui est plus sympathique. En même temps, ils ont perdu 40% de pouvoir d'achat, donc c'est moins sympathique quand même. Mais c'est vrai que le mot battre en retraite, vous voyez d'ailleurs, combien d'ailleurs dans ce domaine-là, on prend des termes militaires. Les vétérans. Les battre en retraite, ainsi de suite. Et donc, on disait en retraite, donc c'est être en retrait de la société. Et pendant très longtemps, on a dit aux gens, estime-toi heureux, déjà, t'as droit à une retraite, tu vas pas en plus te plaindre. Il y avait un peu un discours comme ça. Mais, si on dit pas retraite, on dit les inactifs. Or, ces retraités, qui sont quand même plus de 16 millions aujourd'hui, sont aussi les bataillons, du monde associatif. Alors, il y a à peu près, Encore un terme militaire. Encore un terme militaire, absolument. On pourrait dire les soldats de l'engagement, ouais, si vous voulez rester dans cet élément-là. Mais n'empêche que sauf peut-être dans les associations de parents d'élèves où les retraités sont moins présents quand même, mais sinon dans le gros du tissu associatif, les retraités sont extrêmement présents. C'est souvent eux qui font tenir ces associations et qui les font se développer. Puis ils sont aussi présents tout simplement dans l'aide informelle, dans l'aide de la famille. 23 millions d'heures par semaine des grands-parents pour s'occuper des petits-enfants. 23 millions d'heures par semaine. Vous pouvez mettre toutes les crèches que vous voulez, vous n'arriverez pas à ce chiffre-là. C'est la question des aidants, des gens qui vont accompagner un proche qui est extrêmement malade, extrêmement habillé, extrêmement abîmé. Sur les 8 millions et demi d'aidants, vous avez à peu près 4 millions qui sont des retraités. Donc vous voyez, 32% des maires de nos communes, voilà, en particulier les petites communes, sont des retraités. Donc c'est aussi l'intergénération, c'est ça aussi, c'est qu'au quotidien dans l'association, il peut y avoir des jeunes, des moins jeunes et ainsi de suite, dans la ville, dans la commune, dans la communauté, les retraités sont des gens, des acteurs des solidarités et du lien social avec les autres justement et avec les plus jeunes. Mais dans quelle mesure votre diagnostic et votre conclusion sont-ils universalisables, c'est-à-dire votre enquête a été menée en France, est-ce que c'est la même chose en Allemagne, est-ce que c'est la même chose en Espagne, en Italie, en Europe en général? En Europe, il y a un phénomène relativement convergent. Après, c'est vrai que l'international, on touche des choses qui sont vraiment très très fines dans chacune des sociétés. Bon, la problématique allemande est très différente, puisqu'il y a en Allemagne des courants anti-familialistes, c'est-à-dire aucun enfant, qui sont très très très forts. Donc il y a le lien notamment la place de la famille, le rapport à la femme, sont des différences. Mais grosso modo, en Europe, on constate, il faudrait le vérifier par d'autres enquêtes, ça serait passionnant à amener, c'est essayer d'arriver à une sorte d'observatoire de la qualité du lien intergénérationnel. Ça, c'est un truc qu'on a jamais fait jusqu'à présent. Quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer la qualité d'un lien intergénérationnel? Et là, il faut être très très attentif. Je donne juste un petit exemple pour bien voir le type de mauvaise interprétation qu'on peut conduire. Après la canicule, la France a été traumatisée en disant, c'est vrai, on a 15 000 morts en 2003, on a oublié nos vieux, et donc ça prouve qu'effectivement c'est une catastrophe, et que la France, c'est l'indifférence intergénérationnelle. Effectivement, il y avait un problème. Mais si on regarde la suite, là c'est très intéressant, dans les quelques semaines et quelques mois qui ont suivi cette canicule, il y a eu toute une série d'initiatives qui sont toujours en place aujourd'hui, d'associations de commerçants qui disent, voilà, vous partez en vacances, vos grands-pères et grand-mères restent là, signalez-nous et nous on fera une fonction de veille. Au sein des collectivités locales, cette fonction de veille est très présente. Et donc le nombre d'initiatives pour pallier les risques de la société contemporaine se sont mises en place et tiennent. Donc on peut dire catastrophe si on reste sur la canicule, ou au contraire, mais formidable inventivité si on reste sur le tissu associatif qui suit. Alors, c'est maintenant le moment de passer le second morceau de musique, c'est Serge Guérin qui l'a choisi. Si tu aimes les les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu as peur de la boue. Serge Guérin, Benjamin Biolay, c'est ton héritage. On comprend le lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mais peut-être que vous pouvez davantage expliciter votre choix. D'abord, j'adore Benjamin Biolay. Deuxième élément, il y a une espèce de poésie du moment où le père dit, voilà, si t'es là, c'est à cause de moi, et si t'es comme ça, j'ai un grâce rôle. Grâce à moi. Ouais, mais c'est aussi cette, oui, bien sûr que c'est grâce à moi, mais c'est aussi, voilà, je suis désolé, quoi, t'es là, et tu payes aussi un peu ce que je suis. Puis après, tu vas faire ta vie, conquérir ton autonomie, mais l'autonomie n'est jamais complète. On est aussi, encore une fois, les descendants, à la fois de nos propres parents, mais plus largement de la culture qui a été insufflée. Et je trouve ça beau, cette notion de quelqu'un qui est plutôt dans la branchitude, qui est plutôt une petite rébellion et tout ça, très très bobo et tout ça, qui en même temps rappelle quand même quelque chose d'essentiel. C'est qu'on est un maillon d'une grande chaîne. Et que cette intergénération, c'est d'abord ça. Et ce qui fait peut-être nos sociétés occidentales, je connais pas les autres, ce qui fait nos sociétés, c'est aussi cette reconnaissance ou cette connaissance et cette éducation à cela. Alors, rapport avec notre sujet, il y a aussi les élections. Oui. Et moi, j'ai beaucoup lu, comme vous sans doute dans la presse, que le Brexit avait été la victoire des vieux. Alors, vous démontrez dans le livre, chiffres à l'appui, que c'est faux. Oui, de ce point de vue-là, les comportements politiques sont aujourd'hui de moins en moins indexables sur les catégories d'âge. Et donc là aussi, c'est contrairement à ce qu'on dit, c'est un argument très fort contre la guerre des générations. Aujourd'hui, on a toujours l'idée en tête que les jeunes sont de gauche et que les vieux sont de droite. Bon, c'est un peu l'idée animée par effectivement la régénération de la société, enfin le versant progressif pour des raisons de fond. Hein. Versant progressiste considère que l'avenir c'est mieux. Et donc, qui est l'avenir dans le présent? Ce sont les jeunes. Les conservateurs considèrent que le passé, c'est mieux. Donc, qui sont le passé dans le présent? Ce sont les vieux. Donc, on a cette... Or, voilà, le bouleversement politique fait que ces lignes de front sont aujourd'hui complètement éclatées. À bien des égards, le parti qui attirait le plus de jeunes, pour une proportion relativement importante, c'était le Front National et... la France insoumise, voilà. On dit renouvellement par la France en marche, enfin en marche, la République en marche. En vérité, c'est une certaine partie de la jeunesse, ceux qui sont plutôt intégrés, qui n'ont pas de problème. Et effectivement, du côté des fillonistes, c'était là plus un électorat, en effet, plus clairement âgé, mais avec, là aussi, les proportions sont pas spectaculaires. Donc, voilà, le clivage politique en France, si tant est qu'il y en ait encore un, ce clivage politique n'est pas un clivage d'âge. Et régulièrement, ressortent des propositions qui consistent à dire, ah ben voilà, on a une assemblée de vieux, et donc cette assemblée de vieux, il n'y a pas assez de jeunes, il faudrait interdire, comme le proposait, je crois que c'était Montebourg, voilà, on n'a plus le droit de faire de politique après 70 ans. Mais c'est évidemment une connerie, mais gigantesque. Nous, on serait presque à aller jusqu'à dire, au contraire, faisons en sorte qu'on n'a pas le droit de faire politique avant, mettons, 30 ans ou 40 ans. Il faut d'abord se construire avant de faire de la politique. Et c'est considérer que parce qu'on a un âge, on ne pense qu'aux intérêts de sa classe d'âge, ce qui est une bêtise. Ce qui anime les personnes âgées, les parents, c'est le sort de leurs enfants. Et s'ils défendent leurs intérêts, c'est sans doute moins pour eux-mêmes que pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc dire que chaque âge est focalisé sur son propre intérêt de classe d'âge, c'est une bêtise. Et c'est évidemment, il ne faudrait surtout pas en tirer des conséquences politiques. En fait, ça permet de nier, encore une fois, la question sociale. C'est pas une question d'âge. Les jeunes issus des classes populaires votent majoritairement Front National. parce qu'ils vivent dans des endroits où leur vie devient insupportable. Les jeunes qui sont très bien intégrés ne votent pas Front National. Les jeunes dans les villes, les jeunes à Paris, les jeunes dans les grandes villes, type Nantes et tout ça, ils votent plutôt République En Marche, à gauche, que sais-je encore. C'est plutôt la qualité de l'insertion dans le système, bien plus que l'âge. Et vous repreniez l'exemple du Brexit. On l'a dit, ah, mais c'est les vieux qui ont voté pour le départ, et les jeunes, en revanche, ils ont voté pour rester. En fait, non, ils n'ont pas voté. Mais voilà, sauf que très majoritairement, ils ne sont pas déplacés. Donc, si on regarde l'ensemble des jeunes a voté majoritairement pour le départ de l'Angleterre de mais l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on a invoqué cette différence de génération en matière de vote pour le Brexit et pas pour Trump ? Parce que ça, on l'utilise quand ça conforte sa propre idéologie, tout simplement. Les jeunes, par essence, on va dire, ils ont raison, puisqu'ils sont jeunes. C'est l'avenir, c'est la modernité, c'est le progressisme. Et donc, on voyait bien. Et les vieux, qui sont des ringards, qui sont des dépassés. Voilà. Et donc, quand ça marche pas, eh bien, on trouve une autre raison. Et encore une fois, la question majeure, c'est quand même la question sociale. Si je suis en centre-ville, si je suis plutôt bien diplômé, je vais voter pour quelque chose qui me fait pas peur. Si je suis dans des situations plus difficiles, je vais voter pour d'autres personnes. Et c'est ça qui est la clé majeure. Alors qu'avant, c'est vrai que, par exemple, il était traditionnel, quand on était jeune, de voter à gauche. Et puis, l'âge venant, voilà. Aujourd'hui, encore une fois, ça va complètement à rebours de ça. Encore une fois, le gros de la jeunesse des classes populaires, donc celles qui naturellement devaient voter à gauche avant, votent extrême droite. Et une partie de la jeunesse, ça ne veut rien dire la jeunesse, mais une partie des jeunes a voté par exemple Mélenchon, mais c'était quel jeune ? C'était globalement plutôt les jeunes des banlieues. En Seine-Saint-Denis, par exemple, il a fait des scores extraordinaires. Donc, il a récupéré cette partie-là des jeunes qui ont voté aussi pour d'autres raisons, qui n'ont pas voté Macron parce qu'ils ont trouvé que quand même, il avait fait un métier dans la banque et tout, donc il y avait aussi des relents d'antisémitisme qui pouvaient y avoir derrière. Les jeunes des classes populaires, eux, très éloignés, se sont trouvés complètement abandonnés, ont trouvé que c'était Marine Le Pen qui leur présentait le mieux. Voilà, donc chacun réagit plus par rapport à ses sensations, à ses sentiments, que par rapport à une question d'âge. Alors, il y a le dicton « si vieillesse pouvait, si jeunesse savait ». L'idée qu'on gagne en maturité avec l'âge, on gagne en connaissance, ce qu'on perd en force. Oui. Est-ce que vous croyez à ça ? J'ai dit, tu poses la question parce que le numéro de Philosophie Magazine du mois de juin parle de l'enfance et l'éditorial écrit par Alexandre Lacroix se termine de cette façon. Je le cite « Nous devrons nous tenir compagnie jusqu'à la fin de nos jours, donc autant faire la paix avec nous-mêmes ». Parfois aussi, je me demande si ce n'est pas un peu triste. Quand je vois les personnes âgées, je suis toujours étonné de constater qu'elles ne sont pas plus avancées que les jeunes, qu'elles n'en savent pas substantiellement plus. En somme, dans une version plus sombre, cette position selon laquelle on ne change jamais suggère que nous ne sommes que des enfants qu'on mène par un trajet de quelques dizaines d'années à une mort certaine. Oui, c'est un petit peu sombre. Je ne partage pas totalement. Il le dit lui-même. Oui, oui, il le dit lui-même. C'est-à-dire que la question de la vieillesse, il ne faut pas considérer qu'on la découvre aujourd'hui. C'est le problème de comment vieillir, c'est d'ailleurs un problème qui émerge au moment même où la philosophie naît. Hein. C'est la grande querelle de la vieillesse, c'est une querelle qui met en scène au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, Solon et puis un poète qui s'appelait Mimnerne de Colophon. Et donc c'est un vieux problème avec là-dessus toute une série d'argumentations. C'est vieillir pour ou contre ? Et il y a des avantages et des inconvénients. Et ce débat, c'est un très très vieux débat qui n'est pas d'aujourd'hui, avec de bons arguments pour dire effectivement la vieillesse c'est le déclin, c'est ce que dit Aristote, mais d'autres qui disent au contraire, la vieillesse est formidable, c'est ce que dit Cicéron dans un texte fameux, De Senectute, où il dit mais non, en vieillissant, grosso modo, en fait on est libéré des pulsions. Hein. Pour les sages néoplatoniciens, le sage est celui qui sculpte sa propre statue. Mais il faut bien voir l'image, ça ne veut pas dire faire du bodybuilding, ça veut dire qu'il y a un bloc de marbre, et la forme est déjà présente et on enlève le superflu. Voilà. Et la vieillesse, c'est ce moment où on devient sage parce qu'on a enlevé le superflu. Donc, c'est pas du tout l'idée qu'on est d'une certaine façon ossifié ou innocent, c'est qu'on on atteint l'essentiel. Voilà. Et donc, voilà, il y a toute une série d'autres arguments. C'est une très très belle querelle, mais je pense que la vérité de la vieillesse, ce n'est pas pour ou contre, c'est le fait que c'est les deux. Il y a à la fois des avantages et des inconvénients, et il faut simplement avoir conscience de ces avantages et de ces inconvénients. C'est ça la vraie sagesse de la vieillesse. Personne ne peut dire que c'est formidable de vieillir, mais personne ne peut dire que c'est une catastrophe absolue. Certains le pensent, Romain Gary écrivait « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». Et lui-même en a tiré conséquence. Il a préféré ne pas vieillir. Voilà, c'est un choix personnel, donc ça peut être insupportable. Mais ce n'est pas gagné. Puis par ailleurs, il y a les promesses du transhumanisme qui nous annoncent qu'effectivement, on aura bientôt une vieillesse qui sait et qui peut. Et donc, tout ça sera formidable, peut-être aussi un peu inquiétant. Augmenter l'espérance de vie, c'est sans doute envisageable. Augmenter la durée de la jeunesse, c'est moins facile. C'est moins facile. Et puis, c'est surtout, il y a un organe qu'on a du mal à faire ne pas vieillir, que c'est le cerveau. C'est-à-dire que le corps peut être encore, peut-on le penser, en pleine forme, mais le cerveau, c'est plus délicat. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Il y a une question que je vais vous poser en vous lisant. Je me suis demandé qui était ce chercheur que vous citez. Il s'appelle Henrik Urdal. Et il a inventé le concept de paix gériatrique. Qu'est-ce que c'est, Serge Guérin? C'était l'idée d'une personne qui avait dit, mais il y a eu comme ça plein de fantasmes en disant, ben, comme les gens vont vieillir, comme il y aura plus en plus de gens, il y aura plus de gens âgés, ils pourront plus faire la guerre. C'est plus possible parce qu'ils seront trop vieux pour le faire. Vous savez, comme il y a des gens, Ted Turner, il y a très très longtemps, disait, comme il y aura la télévision partout, les méchants ne voudront pas montrer qu'ils sont méchants. Donc grâce à CNN, il n'y aura plus la guerre. C'est la paix par épuisement voilà, des troupes. Exactement. Au bout d'un moment, trop de jeunes, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que pour certains, faire des jeunes, faire des enfants, c'était d'abord faire des guerriers, faire des soldats. Hein, il y avait dans l'idée, pourquoi il faut beaucoup d'enfants? C'était aussi dans cette idée-là. Parce qu'on sera une nation plus forte qui pourra faire la guerre aux autres, qui pourra tenir. Donc s'il y a trop de gens âgés, qui était d'ailleurs un discours des gens comme Alfred Sauvy et tout ça après 14, qu'en disant ça a été si dur et tout ça aussi parce qu'il y avait pas assez de jeunes et autres et donc on n'avait pas assez de sève. Donc il y a toujours aussi cette notion, l'avenir c'est les jeunes, la force, la guerre c'est la jeunesse et donc s'il n'y a pas tout ça. Mais pour revenir à votre éditorial, c'est marrant d'Alexandre Dracon. Ouais, comment on s'autorise pas aussi à dire que certains progressent et d'autres progressent moins? Louis Aragon disait c'est avec les jeunes sots qu'on fait les vieux cons. Donc parfois on peut rester un idiot toute sa vie. Et puis parfois on peut évoluer et parfois aussi on peut régresser. Mais la question c'est, est-ce que je suis toujours dans le regret ou dans le remords de dire ah mais avant je pouvais faire ça et je peux plus le faire, ou est-ce que je peux me dire j'ai pu le faire et maintenant je peux faire autre chose. Et c'est plutôt, est-ce qu'on a une vision positive en fin de compte des choses en disant voilà, ça je fais le deuil de telle ou telle chose. Mais en revanche, je peux encore faire telle ou telle autre chose, ou je peux découvrir autre chose. Dans un entretien comme ça, un type une fois m'avait dit, mais moi, à 20 ans, je faisais des cours cyclistes, parce que mon père me poussait à faire des cours cyclistes. Aujourd'hui, j'en ai 75, je refais les mêmes cols, mais plus lentement. Sauf que quand on arrive en haut avec les copains, on s'arrête, on débouche une bonne bouteille, et puis on regarde le panorama. Et en fin de compte, je prends bien plus de plaisir, alors que je vais moins vite, à faire du vélo aujourd'hui que j'en faisais 50 ans auparavant. Donc on peut aussi retirer, peut-être avec une forme de sagesse, on peut aussi retirer des éléments extrêmement positifs, y compris d'éléments de déclin. Alors depuis quelques décennies, la structure de la famille a beaucoup évolué. Est-ce que cette évolution a des effets sur les liens entre générations ? C'est un effet important, c'est que le pilier de la famille n'est plus le couple, mais la relation parent-enfant. Ça, c'est un effet très, très important, avec des avantages et des inconvénients, comme toujours. Mais donc, il y a la génération qui intervient. Voilà. Et du coup, justement, l'intergénérationnel devient beaucoup plus central encore. Quand la famille était constituée par, effectivement, papa, maman, les enfants, mais avec un couple qui était extrêmement stable, effectivement, on pouvait considérer que c'était là le véritable pilier de la famille. Or, dans une logique de famille éclatée, la famille éclatée, c'est pas du tout la fin de la famille, c'est une reconfiguration de la famille, une individualisation de la famille et un renforcement à bien des égards du lien familial à travers ce socle, ce pilier. Les couples peuvent éclater, mais la relation parent-enfant demeure comme quelque chose d'essentiel. Et du coup, là aussi, c'est contre-intuitif, mais on peut considérer que sur le plan familial, la dimension intergénérationnelle devient encore plus centrale, encore plus importante. On dit aujourd'hui que c'est une crise de la transmission. Certes, il y a des problèmes de transmission, l'école, etc. Mais la transmission est investie comme jamais. C'est vraiment le point clé et ce à quoi chacun se réfère comme étant finalement la seule planche de salut dans un monde désenchanté. Ce qui nous relie à l'éternité, dans un monde sans Dieu, sans cosmos, c'est juste ça. La transmission, ce qu'on m'a transmis, l'héritage Biolay, et ce que je vais transmettre. Et donc c'est quelque chose qui est la condition de possibilité du réenchantement des sociétés contemporaines. Donc certes crise, parce qu'inquiétude, mais c'est une crise de croissance. Puis vous avez pour la première fois aussi longtemps plusieurs générations ensemble. Aujourd'hui, il y a même à peu près 3500 familles de 5 générations vivantes. Mais qui ne cohabitent plus, c'est la différence. Évidemment, elles cohabitent plus, elles ne sont plus obligées de cohabiter, mais elles peuvent se voir, elles peuvent échanger, tout ça. Je peux aussi choisir. Je peux choisir mes grands-parents, je peux choisir mes arrière-grands-parents. C'est-à-dire, voilà, je vais discuter, je vais les voir, ils vont me parler de quelque chose qui fait abonde, quoi. Toi, grand-père, à ton époque, est-ce qu'il y avait déjà des voitures? Est-ce que c'était en noir et blanc? Que sais-je encore? Donc, ça, avant, ça n'existait pas. Le fait de vivre plus longtemps, change aussi les choses. Finalement, d'une certaine manière, le couple est passé du CDI au CDD, mais la filiation, elle, reste en CDI. Elle reste sur la durée complète. Et puis, des filiations aussi qui peuvent changer. Parce que d'un seul coup, c'est un nouveau grand-père, grand-mère, tout ça. Les gens qui ont 8, 16 grands-parents, si les familles ont énormément évolué. Donc tout ça vous ouvre aussi un champ des possibles et des histoires différentes, mais toujours cette transmission. On peut avoir plus de grands-parents que les grands-parents ont de petits-enfants. Exactement. Absolument. Il ne faut pas avoir une vision non plus totalement idyllique. Ça complique beaucoup les relations. C'est-à-dire que c'est une provision. Donc c'est à la fois l'occasion d'une liberté et d'un épanouissement phénoménal. Et en même temps, ça peut être aussi l'occasion d'une très grande fragilité. C'est pour ça qu'effectivement, c'est très difficile de trancher entre le pessimisme et l'optimisme en la matière. Nous, on est d'un naturel plutôt optimiste, donc on considère qu'il y a plus de, comme on dit aujourd'hui, d'opportunités que de contraintes, mais en même temps, la responsabilité de la liberté est énorme. Et puis c'est aussi une responsabilité sociale. Vous êtes, je sais pas moi, 60 ans, vous pouvez avoir des parents qui ont 80, 85 ans, peut-être vont-ils bien, mais peut-être faut-il les aider. Vous avez des enfants, puis des petits-enfants, et peut-être que les enfants ont un problème, il faut les aider, peut-être que les petits-enfants, il faut aussi les aider. Donc c'est aussi un moment où, longtemps on l'a dit, famille, je vous ai, des choses comme ça. Aujourd'hui, la famille, c'est aussi le premier socle de sécurité sociale, d'une certaine manière. Et parfois, je m'appuie, je reviens, et ainsi de suite, et j'ai besoin de la famille. Et donc, encore une fois, j'ai 60 ans, je peux aider un parent vivant, mais en difficulté qui a 85 ans, et en même temps devoir être déjà présent pour un enfant qui a aussi des difficultés et pour un petit-enfant qui a besoin de moi. Vous voyez, donc on se retrouve, mais en même temps, quel poids, et donc aussi quelle responsabilité, mais aussi quel bonheur aussi d'être présent de cette manière-là. Alors, Serge Guérin et Pierre-Henri Tavoyot, vous militez dans ce livre pour un nouveau pacte intergénérationnel. Alors, qu'est-ce que c'est? Sachant que, comme l'a dit Geneviève Larocque, l'intergénération, ce n'est pas mettre bébé sur les genoux de mémé. Il n'y a pas d'effet de moyenne. Donc, quelle différence vous faites entre multigénérationnel, transgénérationnel et intergénérationnel? Alors, c'est un peu la même question qu'avec le multiculturalisme ou des choses comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en juxtaposition, voire où chacun, ou ça c'est le multi, on juxtapose et puis chacun est dans son truc. Si c'est le trans, c'est qu'on essaie de faire une espèce de mélange, de soupe de tout ça, on va faire une moyenne, en effet, on prend les gens de 85, les gens de 15 ans et tout ça, on va dire, bah voilà, c'est ça la France, et l'intergénération, c'est comment on crée des passerelles, comment on crée des moyens, des moments, et comment on crée, ou comment on renforce, ou comment on valorise cette notion de réciprocité. Enfin, compte, l'élément majeur, c'est que avant, c'était toujours les vieux qui apprenaient des choses aux jeunes. Aujourd'hui, les vieux apprennent des choses aux jeunes, mais les vieux savent aussi que les jeunes peuvent leur apprendre des choses. On va penser évidemment à Internet, aux technologies, tout ça. Mais ça peut être aussi une grand-mère qui, pour la première fois de sa vie, va aller en Australie et qui demande à son petit-fils, qui lui a fait 2 ans d'Erasmus là-bas, de lui raconter comment c'est. C'est peut-être que c'est son petit-fils qui va l'accueillir. Et peut-être qu'elle va y aller parce que son petit-fils y est. Et donc du coup, c'est lui qui lui apprend des choses, y compris sur le voyage, sur le déplacement. Donc il y a beaucoup plus de réciprocité et d'ouverture des deux côtés. Si on accepte que moi, enfant ou moi jeune, je puisse expliquer des choses à mon grand-père ou à une personne âgée, du coup, on me donne une dignité que je n'ai jamais eue. Et du coup aussi, je suis aussi plus capable d'écouter ce qu'il peut aussi ou ce qu'elle peut aussi m'apporter. Et donc, c'est une notion de complémentarité et de réciprocité. Et c'est ça l'intergénération. C'est pas tout le monde est égal, c'est pas tout le monde se vaut, c'est chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Pierre-Henri Tavoyot, j'imagine que vous êtes d'accord. Assez largement, mais je crois que le point clé, c'est de voir que l'intergénérationnel en France va bien, se porte bien. Parce qu'on ne peut pas créer une politique en disant, voilà, c'est tout volcan, et moi, politique, je vais... Donc ça va bien. Simplement, il demande à être réfléchi et à être étayé. Et c'est là où il faut effectivement se départir du scénario de la guerre des générations, parce qu'on fait des mauvaises politiques si on a ce scénario en tête. Voilà. S'il y a des gentils et des méchants, il faut tuer les méchants et soutenir les gentils. Et voilà, ça ne marche pas. C'est une politique de Robin des Bois, ça ne fonctionne pas. Donc déjà considérer que ça va bien et qu'en même temps, il faut l'accompagner avec une action pleine de tact. C'est-à-dire soutenir quand ça fonctionne et quand ça n'est pas présent, il faut essayer de pallier l'absence. Merci à vous deux, Serge Guérin et Pierre-Henri Tavoyot, de nous avoir parlé de ce problème, ou de ce non-problème plutôt. À mesure que j'en prends, je suis de moins en moins d'accord pour être caractérisé par mon âge. Et grâce à vous, j'ai obtenu quelques arguments. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Olivier Arnay et à la réalisation François Connac. Tout de suite, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.